Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir une série d'émissions sur Jacques Lacan, diffusée pour la première fois en mars 2018. Aujourd'hui, la psychanalyse à l'école de la littérature, en compagnie d'Éric Marty. Le monde, pour Freud et pour Lacan, est organisé autour d'un objet perdu, d'un objet qui me manque, qui n'est pas là, mais qui organise en retour ma vie psychique. Cet objet, Lacan l'appelle la chose, das Ding, en allemand, histoire de faire encore plus peur. Et cette chose qu'on ne voit jamais, qui régit ce que je suis, rappelle un scénario bien connu, souvenez-vous. Bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Tu crois que c'est un homme? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection. Lorsque cette chose a attaqué nos chiens, elle a essayé de les digérer, de les absorber. Et combien de temps as-tu resté seul avec lui? Je crois que Blair ne tourne plus rond. T'as lui, c'est le commandement, sans savoir s'il n'est pas une de ces choses. Je ne sais pas à qui me fier. Bonjour Éric Marty. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Oui, merci. Dans le film de Carpenter, The Thing, eh bien, la chose est une forme de vie extraterrestre qui va infiltrer une station de recherche scientifique. Chez Lacan, c'est pas la même chose, mais il y a un côté un peu effrayant quand même à cette chose qu'on ne voit jamais et qui nous manque. Alors, effrayant et en même temps, par exemple, il le compare au sourire d'Harpo Marx. Sourire à la fois pervers et comique et nauséeux. Donc, en fait, la chose, basiquement, c'est le corps de la mère, tout simplement. Enfin, c'est comme cela que Lacan le définit de manière minimale. Donc, ce à quoi on ne doit pas avoir accès, surtout pas. Mais évidemment, au-delà du corps de la mère, qui est une sorte d'image, ça renvoie, bien sûr, comme vous le dites, là, à toutes sortes de choses effrayantes. Et du même coup, j'irais relativement mythologique. C'est ça qui est intéressant peut-être dans la chose lacanienne. C'est Lacan qui est au fond dans un univers où le structuralisme a vraiment programmé pour écarter précisément peut-être des lectures mythiques, imaginaires, ésotériques, etc., de fuir un petit peu tout ce côté archétypal. Mmh. Je dirais que d'une certaine manière, la chose faire venir de manière parfois subreptice, par le côté, par les coulisses, l'innommable, l'impossible, des choses, en effet, qui font peur, qui vont du côté du secret du sujet, qui sont dans une forme d'au-delà, qui sont liées avec ce C majuscule qui rajoute encore quelque chose, je dirais, de surplombant et d'un petit peu effrayant, quelque chose donc qui rajoute de l'ordre, quelque chose d'un peu du mythe. Et d'où d'ailleurs une certaine, je dirais, imprécision quand même conceptuelle de Lacan par rapport à ça. Alors, je suis pas évidemment un spécialiste parfaitement, complètement maîtrisant la totalité de la pensée de Lacan, et je crois que d'ailleurs personne n'est en mesure de dire cela. Lui-même a un doute d'ailleurs. Lui-même. Peut-être pas, mais ce qui est louche. Oui, enfin, lui-même d'ailleurs s'arrange pour rendre parfois fuyant son propre propos. Donc, mais tout de même, là, sur la chose, au fond, c'est un au-delà du système, peut-être, la chose. Tout marche très bien sans la chose. On a le phallus, on a la castration, on a la loi. Et la chose est là comme un élément, comme une sorte de quatrième dimension peut-être, et quelque chose qui est hors du sujet, qui n'appartient pas, je dirais, à une pensée du sujet, donc c'est un peu aussi comme le ça chez le pulsionnel, enfin toutes ces catégories. D'ailleurs, le ça est le titre d'un autre film d'horreur. Donc, oui, comme quoi, ça, tout est vraiment lié. Mais alors, justement, cette absence, ce qui nous structure et qui n'est pas là, qui est tantôt effrayant, soi-disant dompté dans le symbolique, c'est ce qui explique que Lacan va tenter de décrire ces phénomènes par le langage. Nous avons parlé des jours précédents de l'importance du langage pour Lacan. Il dit que l'inconscient est structuré comme un langage. L'analyse se fait dans et par le langage. Aussi ce que le langage ne peut pas dire et qui s'exprime. Aujourd'hui, nous allons parler de Lacan et de la littérature. Comment Lacan a eu recours à la littérature pour lui permettre de dire ce qu'il ne pouvait peut-être sans doute pas dire autrement. Et le lien est direct avec la chose, justement. La littérature et cette écriture qui tente de cerner ce qu'on ne peut pas dire autrement. Voilà. Alors, c'est ça. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et de parler de la littérature parce que c'est un moyen de parler de Lacan avec plaisir. Parce qu'au fond, dans son rapport avec la littérature, il y a une forme de contagion mimétique qui s'exerce sur lui. Et d'où des phénomènes, d'où justement de l'imaginaire qui vient comme cela parfois interrompre un propos qui est tout de même très contrôlé par ailleurs, qui fuit l'imaginaire, qui le repousse, qui le regarde avec dédain. Et la littérature précisément est cette espèce de voilà de d'ouverture, d'oblique qui vient briser un tout petit peu un discours qui par ailleurs, d'autant plus quand il passera au mathème ou quand il passera au nœud, qui va vers un formalisme parfois d'une très grande austérité, hein, la littérature joue un peu. Alors je dirais que vous dites elle permet de dire des choses pour Lacan, mais peut-être qu'aussi qu'elle empêche de dire des choses, au sens où finalement la littérature est parfois ce qui bloque précisément l'interprétation, ou l'écrivain en tout cas est une figure qui peut apparaître comme ce qui bloque le programme psychanalytique, et c'est le cas, c'est aussi bien Gide que Joyce, ou dans les deux cas, aussi bien pour Gide que Joyce, il y a en fait des figures qui sont de l'ordre de l'inanalysable, ou en tout cas qui sont des figures de résistance au discours de l'analyste, et aussi bien quand il prend le conte d'Edgar Poe, La lettre volée, dans Littérataire, il explique bien en quoi finalement la psychanalyse se casse un peu la figure dessus, et que c'est en se cassant la figure que justement Lacan peut éclairer la psychanalyse. Donc ce qui est intéressant à mon sens dans le rapport que Lacan établit avec la littérature, il en a plusieurs hein, bien sûr, mais en tout cas l'une des dimensions de ce rapport, c'est au fond en quoi la littérature peut interdire certaines choses, peut empêcher de dire, et donc du coup obligé à penser autrement, à déplacer les choses. Et voilà, ça c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Alors, dans ce rapport. Je précise deux choses. Vous avez dit Littérataire, ce n'était pas un lapsus, c'est le titre d'un écrit de Lacan, la littérature Littérataire, on y reviendra sans préciser, doute. Hein, on en parlera parce que c'est un texte très important à mes yeux. Enfin, voilà, et on entendra un extrait plus tard. Vous parlez du rôle de l'écrivain pour Lacan. Je précise, parce que je ne l'ai pas encore fait, que vous êtes écrivain, Éric Marty, universitaire. Vous avez publié L'invasion du désert l'an dernier aux éditions Manissus, dirigé un ouvrage collectif sur Lacan et la littérature. En 2011, vous avez publié « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» Lacan est un lecteur de Sade, on y reviendra également. On a une place centrale dans ce livre, Lacan, bien sûr. Mais comment vous, en tant qu'écrivain, en tant que appartenant au milieu littéraire, êtes-vous venu à Lacan? Parce que Lacan n'est pas connu pour ses qualités littéraires, enfin peut-être que si. Alors, une question de génération, simplement je suis venu à Lacan parce que ma génération, je suis né en 55, donc voilà, quand j'avais 20 ans, 75, 67, dans ces années-là où Lacan est vraiment au sommet de sa notoriété, et donc quand on est étudiant à cet âge-là, à ce moment-là, on passe par Lacan. Donc il y a une sorte d'imprégnation générationnelle qui d'ailleurs me semble avoir disparu aujourd'hui. Je suis assez frappé de voir que les jeunes étudiants d'aujourd'hui, y compris en philosophie, ne lisent pas beaucoup Lacan, en tout cas que Lacan n'a plus du tout cette espèce d'aura et d'influence. Mais en tout cas, pour moi, ça a été essentiellement générationnel. Et aussi, je dois dire, pour moi, Lacan est aussi un écrivain, un rhétoricien. Et c'est quelqu'un qui est un baroque, qui a une écriture baroque, qui est parfois extraordinaire. Si on prend le séminaire sur la lettre volée dont on va parler, parce que c'est un texte très essentiel sur la littérature, il y a vraiment une sorte de virtuosité d'écriture de Lacan, où il arrive à penser mille choses dans une seule phrase, dans une sorte de gongorisme effréné, où les mots sont en reflet. Et alors, ça aboutit parfois, évidemment, à une difficulté de lecture, notamment dans les textes tardifs, où plus ça va, plus on va vers une sorte d'épuisement, justement, dû à l'hermétisme. Mais globalement, moi j'ai toujours... C'est pour ça que je parlais de plaisir. Globalement, je veux dire, j'ai quand même un grand plaisir à lire Lacan, et je pense qu'il faut lire Lacan pour le plaisir, pour pouvoir justement entrer dedans. C'est-à-dire que il y a une intimidation, évidemment, qui est liée à la personnalité, aussi à l'école lacanienne qui produit cet effet d'intimidation. Mais dès lors qu'on se dit, bien, je vais lire Lacan pour le plaisir, je vais lire tel ou tel séminaire, certains sont plus propices à ce plaisir. Mais si on prend par exemple un séminaire comme l'éthique de la psychanalyse, qui est celui sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour Sade, qui est le livre 7, c'est un séminaire éblouissant de présence, c'est-à-dire qu'il y a une présence de Lacan dans son propos, à son propos. Il y a une dramatisation de la pensée, il y a une sorte de, pas au jour le jour, mais semaine après semaine, une avancée avec des bifurcations, des impasses aussi, parce que c'est aussi un aspect qui rend Lacan difficile, c'est les moments où il coupe court, où d'un coup la parole se ferme. Mais sinon, j'aime bien le lire aussi dans un rapport de plaisir. Parce que c'est quelqu'un qui a une écriture, enfin qui a un style à l'évidence. Voici un extrait de la lettre volée, justement, d'Edgar Allan Poe, qu'il commente dans son texte Litterateur, en 1971. Voici un extrait de ce texte, peut-être le connaissez-vous, on l'étudie parfois, l'idée d'une lettre qui est apparente et qu'il s'agit de remplacer par une autre lettre, car cette lettre aussi ne doit pas être dévoilée. Cette substitution d'une lettre, alors épistolaire, une lettre, non pas la lettre de l'alphabet, à une autre, est lourde de sens pour Lacan. Écoutez le texte de Poe et puis ensuite le commentaire qu'en fait Lacan. Le procédé du vol a été aussi ingénieux que hardi. Le document en question, une lettre, pour être franc, a été reçu par la personne volée pendant qu'elle était seule dans le boudoir royal. Pendant qu'elle le lisait, elle fut soudainement interrompue par l'entrée de l'illustre personnage à qui elle désirait particulièrement le cacher. Après avoir essayé en vain de le jeter rapidement dans un tiroir, elle fut obligée de le déposer tout ouvert sur une table. La lettre, toutefois, était retournée, la suscription en dessus, et le contenu étant ainsi caché, elle n'attira pas l'attention. Sur ces entrefaites arriva le ministre D. Son œil de lynx perçoit immédiatement le papier, reconnaît l'écriture de la suscription, remarque l'embarras de la personne à qui elle était adressée et pénètre son secret. Après avoir traité quelques affaires, expédié tambour battant à sa manière habituelle, il tire de sa poche une lettre à peu près semblable à la lettre en question, l'ouvre, fait semblant de la lire, et la place juste à côté de l'autre. Il se remet à causer pendant un quart d'heure environ des affaires publiques. À la longue, il prend congé et met la main sur la lettre à laquelle il n'a aucun droit. La personne volée le vit, mais naturellement n'osa pas attirer l'attention sur ce fait en présence du troisième personnage qui était à son côté. Le ministre décampa, laissant sur la table sa propre lettre, une lettre sans importance. Voilà le compte bien rendu de ce qui distingue la lettre du signifiant même qu'elle emporte. Puisque le conte consiste en ce qui passe comme muscade le message dont la lettre y fait péripétie sans lui. Ma critique, si elle a lieu d'être tenue pour littéraire, ne saurait porter, je m'y essaie, que sur ce que Poe fait d'être écrivain à former un tel message sur la lettre. L'élision n'en saurait être élucidée au moyen de quelques traits de sa psychobiographie, bouchée plutôt qu'elle en serait. Ainsi, la psychanalyse qui a récuré les autres textes de Poe, ici, déclare forfait de son ménage. Pas plus mon texte à moi ne saurait-il se résoudre par la mienne, le vœu que je formerais par exemple d'être lu, enfin, convenablement. Il est certain que, comme d'ordinaire, la psychanalyse ici reçoit de la littérature, si elle en prend du refoulement dans son ressort une idée moins psychobiographique. Pour moi, si je propose à la psychanalyse la lettre comme en souffrance, c'est qu'elle y montre son échec. Et c'est par là que je l'éclaire. Quand j'invoque ainsi les lumières, c'est de démontrer où elle fait trou. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Lacan cette semaine. Et aujourd'hui de Lacan et la littérature, en compagnie de l'écrivain Éric Marty. Vous venez d'entendre un extrait de la lettre volée d'Edgar Allan Poe, lu par le comédien Vincent Schmitt. Et puis un extrait du commentaire qu'en fait Lacan dans son texte intitulé « Litturater ». Alors un mot quand même sur ce jeu de mots, « Litturater », c'est quoi ? Alors, c'est une forme de, je crois, de pourrissement de la littérature. Pourrissement. Oui, mais un pourrissement heureux. C'est-à-dire, je crois que pour Lacan, la littérature est du côté, finalement, du semblant. Du côté, enfin, le livre, en tout cas, le livre produit par la littérature, du côté du semblant, et ce que veut Lacan, c'est l'accrocher à la poubelle. Comme il le dit à propos de Beckett, faisant allusion à la fin de partie, où deux personnages vivent dans deux poubelles, eh bien, il renvoie justement l'écriture qui serait, disons, authentique, en tout cas qui ne serait pas, qui ne tomberait pas dans ce semblant de la littérature, une littérataire qui, justement, elle, par cette chute dans la poubelle, comment se sauverait, esquiverait ce destin, au fond, un peu bourgeois, un peu banal, un peu inauthentique, précisément, qu'est le livre. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est un livre, c'est un texte très compliqué, littérataire, mais entre autres, pourquoi il y a une attaque à la fin à l'égard de Barthes, à propos de l'Empire des Signes, qui est un livre justement sur le Japon, mais qui est trop un livre pour Lacan, et qui voit plutôt l'Empire des Semblants plutôt que l'Empire des Signes. Et il est très sévère par rapport à Barthes, qui au fond du Japon ne rapporte que l'image du semblant, et non pas ce qu'il aurait dû rapporter, à savoir l'image du vide, que lui précisément a su rapporter dans ce voyage qu'il fait, ou revenant de Tokyo en avion, il voit la grande plaine sibérienne et il repère une espèce d'espace stérile, qui est l'espace de la lettre précisément, et qui est pour lui précisément la littérature, la vraie littérature, donc la litturater, une littérature qui échappe précisément à la facticité du livre. Il y a toute une vision, je dirais, de la littérature qui est très, très négative, très, très critique, très, je dirais, gnostique, parce que la poubelle, c'est quand même une image de la pourriture, de la création, qui est, pour Lacan, une figure nécessaire à ses yeux, et en tout cas qui fait échapper justement à ce qu'il appelle le semblant, auquel il renvoie Barthes avec son beau livre, avec le beau livre de Barthes, l'Empire des Signes, qui est si bien fait, qui est si... Qui est magnifique, qui est magnifique, vrai. Mais justement, c'est ce trop qu'il dit beau. Là. Il est trop beau. C'est un livre sensationnel, dit Lacan, mais ce sensationnel, évidemment, est là pour dire justement que c'est pas ça qui l'intéresse. Pour cacher quelque chose. Ce qui l'intéresse, c'est que la lettre, elle touche au réel. Et alors que finalement, la manière dont Barthes a saisi le Japon, c'est pas par la lettre, c'est pas par ce rapport de la lettre au réel, c'est par ce qu'il croit être des signes et qui sont en fait que des semblants, des agencements finalement d'images. Et là-dessus, il y a quelque chose de tragique qui, d'ailleurs, explique le rapport de Lacan à son propre livre et à son absence de livre. Oui, il le dit, moi j'aimerais être enfin lu convenablement. Oui, sauf qu'il fait tout pour ne pas l'être. Ouais. C'est-à-dire que non seulement... Parlons par le fait qu'il n'est pas publié de lui-même avant 1966, c'est-à-dire qu'il arrive à 65 ans sans avoir publié un livre, sinon sa thèse de psychiatrie en 1930. Hein. 65 ans, pas un livre. Et quand il publie les écrits, qui va être son seul livre au fond, il le remet à la fabrication de deux éditeurs, qui sont François Valle d'un côté et Jacques Alaminière de l'autre, comme se défaisant lui-même de l'idée de ce livre. Et il parlera, on le sait, c'est un mot typiquement lacanien, à propos de la publication de poubellication, de la poubelle. Voilà, donc une sorte de mot valise où poubelle et publication se s'accrochent l'un à l'autre. Donc il y a une vision très pessimiste, très ruineuse de la littérature. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Lacan, par ailleurs, d'avoir été un grand bibliophile, mais justement le fétichisme du livre rare va peut-être de pair avec précisément cette vision du livre comme poubelle. Et alors quel rapport avec le texte d'Alan Poe sur la lettre volée, lettre qui se substitue à une autre ? Alors là, c'est vraiment, pour moi, c'est un texte vraiment intéressant parce que c'est un texte aussi qui marque une époque où, au fond, être maître, et c'est ce que Lacan veut tout de même être, c'est être le grand lecteur, celui qui sait lire. Et il ne sera pas le seul. Au même moment, Althusser publie Lire le Capital, qui donne la vraie lecture de Marx. Peu après, Barthes publiera SZ, qui est aussi un texte sur la castration, où Barthes va s'établir lui aussi comme maître. Et il y a une sorte de prouesse intellectuelle de la lecture, dont le texte littéraire est l'objet, ici. Et Lacan le met en tête des écrits, ça n'est pas non plus par hasard, c'est aussi parce que ce texte a pas seulement pour fonction d'être un texte d'ouverture, de faciliter en quelque sorte l'entrée dans le livre, comme tout texte d'ouverture, mais il a comme fonction aussi d'établir la position de maîtrise de Lacan. Et cette position de maîtrise, elle passe donc, comme vous l'avez expliqué, par l'analyse du conte littéraire sur un plan strictement structural, à savoir la circulation de la lettre sans égard pour le message, sans égard pour le contenu. Ce qui est l'enjeu du texte, quand même, pour ceux qui ne l'ont pas. Si on l'a entendu, quelqu'un reçoit une lettre qui est compromettante pour elle, elle se fait surprendre, elle pose cette lettre sur le bureau, la personne qui arrive sait ce que contient cette lettre, donc elle en dépose une semblable à côté, repartant reprend la première lettre. La personne sait très bien ce qu'il se passe, mais personne ne dit rien. On substitue une lettre à une autre. Alors c'est ça qui est aussi important, c'est que être le superlecteur, ça veut dire être capable de lire un texte sans penser à son contenu, en quelque sorte. C'est ça, donc il faut dissocier la lettre du message. C'est-à-dire que la puissance de lecture du maître est telle qu'il peut qu'il peut dessiner et offrir la vérité du texte en mettant de côté les questions de contenu, les questions thématiques qui sont habituellement la matière de la littérature. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là on voit comment c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu historiciser les choses, c'est comment cette génération-là s'est acharnée à vouloir précisément faire de la surenchère dans cette puissance de lecture. Derrida, quelques années après, publie un texte qui s'appelle Le facteur de la vérité, qui est une démolition radicale des textes de Lacan, en montrant que finalement Lacan, qui prétend s'écarter de la psychobiographie, qui prétend être justement dans la structure, au fond, ne fait que répéter les mêmes thèses que Marie Bonaparte, dont il se moque ici en parlant de nettoyage, enfin, elle est moquée par cela, qu'au fond, Lacan ne fait que reprendre les thèses, les vieilles thèses psychobiographiques de Marie Bonaparte, qu'il réintroduit. Et ce texte de Derrida est d'une violence inouïe, mais c'est cette espèce de surenchère, donc, dans le formalisme qui est aussi à l'œuvre à l'époque, et où la littérature, justement, est de plus en plus vidée de ses contenus imaginaires au profit de processus formels qui, et c'est là où est le problème, peut-être pour Derrida, qui, chez Lacan, ne font que répéter la structure même de la castration du phallus, etc. Donc, ils ne font que répéter et qu'illustrer la doctrine. Et c'est là, précisément, où Derrida va critiquer Lacan pour un mauvais rapport à la littérature et un mauvais formalisme, un formalisme, je dirais, faux. Alors, prenons des exemples pour voir comment Lacan décrit, commente, se sert d'un texte littéraire et d'un auteur pour servir son propos. Prenons André Gide, par exemple, qu'il connaît très bien. Comment lit-il André Gide et qu'est-ce qui l'intéresse chez Gide? D'abord, il le lit pas directement, il passe par l'intermédiaire d'une autre lecture, celle de Jean Delay, qui est un grand psychiatre, père de Florence Delay, entre autres, mais qui a fait un grand livre sur la jeunesse d'André Gide, et que Lacan commente et qu'il commente de manière là aussi éblouissante, très forte, et qu'il commente sous une forme qui me paraît très importante, parce que là on quitte justement ce formalisme d'Edgar Poe, qu'il commente sous le mode du fantasme, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse chez Gide, c'est la capacité qu'a eu Gide à construire le rapport à son désir sous la forme parfaite de l'image d'un fantasme. C'est la scène mythique, c'est une scène mythique qu'il raconte à deux reprises dans son autobiographie et dans un roman, La Porte Étroite, où, se rendant chez sa cousine qui est un peu plus âgée que lui, dont il est amoureux, il entre dans la maison et à un étage, il voit la mère de sa cousine, donc sa tante, qui l'agrippe et qui lui donne quelques caresses et qui tente de le séduire. Puis il monte à l'étage, il tombe sur cette cousine, fille de cette tante qu'il a donc agressée sexuellement, si on peut dire, qui est en pleurs, qui est en prière, et dont il va devenir le protecteur. Et Lacan, au fond, analyse la pédophilie de Gide sous le schéma suivant, qu'en fait, il s'est identifié à cette tante dont il a été l'objet, Et en fait, de cette espèce de moi idéal informe qu'il était enfant, eh bien, il en fait une sorte d'idéal du moi qui va être, qu'il va chercher chez les jeunes Arabes. C'est-à-dire qu'il se substitue à la tante qu'il a agressée et du coup, prend pour objet de son désir ce qu'elle même désirait, à savoir lui, jeune homme à 13 ans, donc il se met à désirer, il va ensuite désirer des jeunes hommes de 13 ans. Exactement. Et alors, il y a, une, c'est ça. Ce qui est quand même absolument effrayant, non, comme explication. C'est encore plus effrayant que vous le croyez, puisqu'il y a une autre, il y a une autre scène qui est plus importante, puisque Gide se marie avec ses fameuses cousines, mariage qui sera un mariage blanc. Et au cours de voyage de noces qu'ils font en Afrique du Nord, il y a une scène dans un train, ils sont dans un compartiment, Gide se met à la fenêtre et il y a des jeunes Arabes qui sont au compartiment voisin. Et sous les yeux de Madeleine, sa femme, il caresse les bras, il se met dans une sorte de mouvement de séduction inouï avec ces jeunes garçons. Et quand ils arrivent au terme du voyage, sa femme lui dit « Tu avais l'air d'un criminel ou d'un fou ». Donc, la scène, au fond, de pédophilie, non seulement elle est dans cette espèce de diptyque des deux pièces, celle où la tante l'a harcelée, puis celle où l'a découvert sa cousine, mais elle est aussi dans un second diptyque, qui est horizontal cette fois-ci, qui est plus d'un étage à l'autre, mais qui est d'un compartiment à l'autre, où, dans le train, eh bien, il répète cette opération avec l'autre, Madeleine, comme finalement le témoin de cette opération en quelque sorte fantasmatique dont l'écriture gidienne est une symbolisation qui fascine Lacan. Voilà, parce que la littérature paraît secondaire. On peut comprendre comment Lacan se sert de cet épisode biographique de Gide pour étayer sa théorie du désir, pour montrer qu'on se substitue à l'autre, le rôle que joue l'autre dans le désir, le fantasme du moi idéal en la personne de la tante qu'il a agressée. Bon, ça paraît caricatural, ça l'est peut-être un peu, mais surtout on se demande, mais est-ce qu'il y a-t-il un intérêt pour le texte de Gide lui-même, pour la littérature à proprement parler? Oui, parce que seul un écrivain est en mesure justement de scénariser de manière aussi puissante comme un peintre pourrait le faire, parce qu'il y a quelque chose de très pictural dans ces deux scènes. Klosowski, par exemple, ou Malthus, ou Klosowski seraient en mesure justement aussi de peindre des scènes de ce type. Mais c'est là où justement ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas seulement l'imaginaire gidien lu par Lacan, on voit aussi l'imaginaire lacanien. Parce que cette opération-là, il va la répéter avec Duras, dans l'analyse qu'il fait sur l'Holbeinstein, qui est là de 65, qui est un très beau texte aussi. Il commente notamment la grande scène où Lol est dans un champ de seigle et voit son amant avec Tatiana Karl, et elle les voit tous les deux qui vont faire l'amour. Cette relation triangulaire, elle est absolument identique, enfin, elle ressemble beaucoup à celle que j'y décris, et elle aboutit au même résultat, c'est le « il n'y a pas de rapport sexuel », c'est-à-dire que le sujet, au fond... Qui est la phrase de Lacan qui est restée célèbre, donc « il n'y a pas de rapport sexuel », ce qui veut dire qu'il n'y a pas de sexualité, mais qu'il n'y a pas de rencontre de l'autre dans la sexualité. Exactement, et que le rapport que Holbeinstein entretient avec son Jack Hold dans la scène avec Tatiana Karl, celle que Gide entretient avec Madeleine, c'est des manières de ne pas faire l'amour, justement, de ne pas avoir de rapport sexuel, précisément comme illustration, je dirais, de la structure, que la structure même du désir, eh bien, a des médiations de ce type-là, et médiations qui illustrent la thèse du « il n'y a pas de rapport sexuel », qu'au fond, l'autre avec qui on désire faire l'amour, on ne fait pas l'amour avec lui, on fait l'amour avec quelqu'un d'autre, et il y a cette espèce de jeu triangulaire qui est à l'œuvre dans les deux cas. Et là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui revient chez Lacan comme une structure une structure formelle qui est une structure formelle de scénarios et aussi de scènes visuelles très très prégnantes, très puissantes que Lacan donc retrouve. On trouve chez Gide lui-même l'affirmation, alors si ce n'est de la phrase « il n'y a pas de rapport sexuel », en tout cas de propos qui conduisent justement à cette phrase-là, effectivement l'instinct sexuel vient se substituer au rapport sexuel. Écoutez ce texte, c'est un extrait de Coridon dans le premier dialogue interprété par Vincent Schmitt. Durant mes années d'internat dans les hôpitaux, la conscience que j'acquis de mon anomalie me plongea dans une inquiétude mortelle. Il est absurde de soutenir, ainsi que font encore certains, que l'on ne parvient à la pédérastie que par la débauche, et que c'est là un goût de blasé. Je ne pouvais non plus me reconnaître pour dégénéré, ni malade. Laborieux, très chaste, je vivais avec la fixe idée d'épouser, au sortir de mes années d'hôpital, une jeune fille, qui depuis est morte, que j'aimais alors par-dessus tout au monde. Je l'aimais trop pour me rendre nettement compte que je ne la désirais pas. L'amour est une invention toute humaine. L'amour, dans la nature, n'existe pas. Je dis que ces antithéistes, qui prétendent remplacer Dieu par cette idole énorme qu'ils appellent l'instinct universel de reproduction, sont d'étranges dupes. Je prétends, moi, que ce fameux instinct sexuel qui précipite irrésistiblement un sexe vers l'autre est de leur construction, que cet instinct n'existe pas. Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Ici, on est à la télé. Il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps, ce qu'on appelle mon séminaire. Vraiment pas de différence? Dans les deux cas, il s'agit d'un regard. Un regard à qui je ne m'adresse dans aucun des deux cas. Lacan ne s'adresse pas à votre regard, mais bien à votre oreille. En tout cas, cette semaine sur France Culture, les chemins de la philosophie, on vous le donne à entendre à travers les archives que nous avons de lui, sa voix, mais aussi ses textes lus par des comédiens et des commentateurs qui viennent vous donner envie d'apprendre à parler Lacan. C'est notre défi, en tout cas. Le texte qu'on a entendu de Gide, Éric Marty, est très clair. Pour le coup, il semble être l'application littéraire et biographique de la théorie ou la thèse lacanienne du désir, qui distingue radicalement l'amour du désir et qui montre que finalement il y a toujours une rencontre qui ne s'établit pas. Oui, et ce qui est curieux, c'est que pour établir cela, Lacan utilise beaucoup des figures de perversion. C'est ça. Et c'est peut-être là où, non pas le problème, mais en tout cas, c'est là où ça devient intéressant, en quelque sorte. Donc, pour illustrer la thèse selon laquelle il n'y a pas de rapport sexuel, ce qu'il vise en disant ça, c'est illustré essentiellement par des figures donc de perversion, alors qui sont, alors qui est Gide, et qui au fond se ramène tous à une obsession lacanienne très forte et qui est aussi quand même au cœur de cette thèse, c'est l'amour courtois. C'est qu'au fond, voilà, c'est très élégant. En gros, ça, son idée, c'est que l'amour courtois, c'est très élégant parce que on justifie le non-rapport sexuel en feignant que c'est l'homme qui met obstacle par renoncement. Donc, en disant je renonce à la dame, eh bien, ce renoncement à la dame, au fond, c'est une manière très élégante, eh bien, d'éviter le ratage. Et donc, Lacan va prendre beaucoup cet amour courtois comme cellule d'explication, aussi bien pour Gide. Pour Duras, c'est la même chose. Avec Duras, il va d'abord la comparer à Marguerite de Navarre. Marguerite Duras, il va associer tout cela à un contexte d'amour courtois. Et peut-être vexation pour Duras si elle l'a lu à l'époque, elle qui croit être un écrivain très moderne, il la renvoie au fond à l'amour courtois et elle ne va pas beaucoup plus loin que l'amour courtois. Mais aussi, au fond, et on arrive à ça justement, peut-être qui est aussi un élément important, au fond, c'est la même chose pour Sade. En fait, en détruisant le semblable, le sujet, le bourreau sadien met bien en scène le fait qu'il fait l'amour avec l'autre, avec un grand A, et non pas le semblable avec qui il couche. Et c'est là où peut-être serait l'une des explications de la thèse comme quoi il n'y a pas de rapport sexuel, c'est qu'en fait, on croit faire l'amour avec un semblable, avec un corps que, avec qui on est uni, et en réalité, on fait l'amour avec le grand autre, parce que... Qui est quoi? Qui est un fantasme. Qui est un fantasme. Donc, l'idée que l'on se fait de l'autre. Oui, parce qu'on ne couche jamais qu'avec l'idée que l'on se fait de l'autre, voilà, ça? Voilà, par exemple, ça pourrait être une paraphrase, ce que vous dites, ça pourrait être une paraphrase de ce que je viens de dire. Parce que, au fond, le jeu de l'autre n'est jamais assez sûr pour répondre à notre désir de reconnaissance, et qu'il y a toujours une défaillance quelque part dans l'autre qui fait que le don que l'on fait de soi par notre désir risque toujours de tomber à côté, d'où la nécessité d'instaurer une sorte de grand autre qui vient apparaître comme la véritable cible, disons, du rapport sexuel. On en revient à la chose qui est en revient absolument émission. À la chose. C'est cette chose qui manque, on essaie de combler, voilà. On demande à l'autre de combler ce manque, l'autre n'est jamais en mesure de combler ce manque. Jamais. Alors ça peut prendre des formes tout à fait surtout différentes. Surtout si c'est le corps de la mère. Exactement. Ça peut prendre des formes tout à fait différentes. Ça peut être simplement le type qui fait l'amour avec sa femme en pensant qu'elle est Brigitte Bardot, mais ça peut, donc ouais. Ça c'est des choses assez banales. Mais ça peut prendre justement ces dimensions sadiennes que j'ai dites. Notamment un passage que commente Lacan qui est très important, où en fait, pourquoi finalement le maître sadien préfère entendre des cris de douleur de la femme avec qui il est plutôt que des cris de plaisir? C'est parce que les cris de plaisir peuvent être simulés. C'est parce que, au fond, si faire jouir la femme avec qui je fais l'amour n'est pas une expérience qui est sûre, qui est certaine. En revanche, les cris de douleur, eux, seront certains. On peut dire, oui, mais pour le maître sadien, la douleur est absolument injouable. Elle ne peut pas être factice, elle peut pas être simulée. Il n'y a pas de simulacre de la douleur, alors qu'il y a un simulacre de la jouissance. Et donc, on voit bien qu'ici, le sadien, pareil, le semblable n'est pas en mesure de répondre à sa puissance phallique, d'être la garantie qu'il a bien un phallus. Le plaisir qu'il croit donner ou qu'il pense donner, il n'est pas du tout en mesure d'être justement le reflet, l'écho suffisant à la puissance phallique dont il croit être maître. D'où le fait qu'il va détruire l'autre, enfin ce besoin du grand autre va jusqu'à donc détruire le semblable avec qui on est pour pouvoir accéder par les cris, par la douleur, à ce grand autre donc avec qui on retient le vrai rapport sexuel. Qui est donc une absence de rapport sexuel. Voilà donc. Là, c'est ce que décrit Sade, par exemple, dans La philosophie dans le boudoir. Alors, ou dans le Justine. Ou la vertu. Et c'est ce que. C'est comme ça que Lacan analyse, c'est comme ça que Lacan repère, en quelque sorte, dans le protocole sadien, un rite où, finalement, c'est un rituel phallique. Le phallus doit, en quelque sorte, être l'objet d'une sorte de rite par où il est reconnu, par où sa puissance est comme honorée et comme dans une cérémonie sacrée, la puissance phallique doit être, en quelque sorte, doit être l'objet d'une réponse. Et cette réponse, donc, elle ne peut pas venir du semblable. Il faut aller au-delà du semblable, trouver l'autre. Et pour trouver l'autre, il faut donc détruire le semblable. Est-ce que ça marche dans une configuration où la personne qui jouit n'a pas de phallus? Alors, on remarque toujours une chose, c'est que pour Lacan, il n'y a que le phallus. Donc la jouissance de la femme, pour le coup, elle est secondaire. Alors c'est toujours voilà, c'est aussi un élément que Derrida d'ailleurs dans Le facteur de la vérité va reprocher beaucoup à Lacan, c'est un phallogocentrisme, ce qu'il appelle le phallogocentrisme lacanien, qui fait du phallus d'abord une sorte de figure entièrement unitaire qui est indivisible, qui n'est pas susceptible de dispersion, de dissémination, et surtout qui écarte complètement la femme. Elle est du côté de l'autre, en fait, la femme, voilà. La chose, de ce qu'on ne connaît pas, de ce qui est inconnu, du fantasme. Pour Derrida, il n'y aura pas pour autant de rapport sexuel, parce que la femme est quasiment impénétrable à cause de l'hymen. Alors, chez Lacan, c'est le phallus qui, au fond, exclut la femme exclut le rapport sexuel. Et pour Derrida, c'est l'hymen qui rend la femme impénétrable et qui, au fond, fait que le rapport sexuel est tout aussi impossible, mais on le voit pour des raisons diamétralement opposées à celles de Lacan. Quoi qu'il en soit, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel, en tout cas, prend des modèles d'illustration dans des configurations extrêmes qui sont celles qui illustrent précisément une thèse qui, en effet, dérange complètement le sens commun. Est-ce que ça veut dire que toute forme de relation sexuelle a une part de perversion? Voilà, c'est en tout cas ce qu'on peut déduire de la position de Lacan, ou de sublimation, puisqu'au fond, Donc sublimation, c'est d'assouvir un désir autrement que par la consommation d'un objet. Puisque, par exemple, dans l'amour courtois, où le sujet masculin décide qu'il n'y aura pas de rapport sexuel pour justement éviter le ratage, eh bien, et dans la sublimation, mais sublimation et perversion sont des figures, au fond, qui se rejoignent, qui sont en reflet l'une par rapport à l'autre. Et d'ailleurs, au fond, il y a aussi, pour Lacan, il y a aussi une forme de sublimation chez Sade, puisque, par exemple, Justine, un corps absolument inaltéré, malgré les violences et les coups qui lui sont donnés, malgré les tortures qu'elle subit, malgré tout ce qu'elle peut subir, le corps demeure intact. Le beau continue, je dirais, à persister sous l'injure, et on pourrait dire donc qu'il y a, y compris dans la perversion, et peut-être plus qu'ailleurs même, une dimension de sublimation. Donc le désir sexuel n'est pas forcément seulement pervers. Il comporte aussi cette sublimation qui est complice, en quelque sorte. Pervers, qu'est-ce que ça veut dire, de toute façon? Ça veut dire qu'il doit détruire l'autre, qu'il se sert de l'autre comme un moyen? Qu'il se sert de l'autre comme un moyen. Qu'il n'est pas fidèle à lui-même, puisque Lacan dit qu'il ne faut pas céder sur son désir. Un désir pervers serait celui qui cède sur lui-même, qui se ment. Pas forcément qui se ment, mais en tout cas qui dévie, disons, de la promesse, de la parole qu'il donne à l'autre dans la relation amoureuse. Il y a une trahison. Trahison, voilà. Mm. Et c'est en cela qu'en effet, il y a de toute façon, par la présence du grand autre qui hante toujours le corps du semblable, il y a de toute façon une trahison qui est, je crois, l'essence même de la parole. On pourrait dire que pour Lacan, parler, c'est mentir. Le mensonge est omniprésent. Quand Lacan analyse les 10 commandements, et le « tu ne mentiras pas », il explique bien ce commandement-là suppose que le mensonge est intrinsèque à la parole. Donc, tout comme la trahison est intrinsèque au désir, parce que, précisément, le sujet est comme excentré par cette altérité qui est en lui et qui le définit et qui fait qu'il ne coïncide jamais ni avec lui-même, ni avec son semblable, et qu'il y a toujours cette part d'altérité qu'on peut dire être trahison, qu'on pourrait donc nommer de 1000 façons, mais en tout cas qui suppose une non-coïncidence avec soi. Et le Sade qu'il aime également, le Sade qu'il lit en tout cas, le Sade qu'il étudie, est aussi le Sade théoricien et pas simplement celui qui dépeint les rapports de désir pervers entre les êtres humains. Il y a aussi le Sade matérialiste qui n'a pas de morale ou alors qui indexe la morale sur la nature. C'est en clair, puisque la nature tue, puisqu'il y a de la mort dans la nature, et bien rien n'empêche l'homme de tuer à son tour. Au contraire, cette mort-là est peut-être l'occasion d'une forme de renaissance. Il va même jusqu'à parler d'une seconde mort. Écoutez le texte que Lacan écrit sur Sade. C'est un extrait de L'envers de la psychanalyse. Vérité, sœur de jouissance. Le titre est toute une promesse. Il est clair au plus intelligent des matérialistes, à savoir Sade, que la visée de la mort, ce n'est nullement l'inanimé. Pour lui, après la mort, tout reste animé, animé du désir de jouissance. Jouissance de quoi? D'un être unique qui n'a qu'à dire « je suis ce que je suis ». Et cela pourquoi donc? Comment Sade le sent-il si bien? C'est là que joue ceci, qu'en apparence il est sadique. C'est qu'il refuse d'être ce qu'il est, ce qu'il est non ce qu'il est. À faire cet appel furieux à donner à la nature dans son opération meurtrière, d'où toujours renaissent des formes, que fait-il, sinon de faire voir son impuissance à être autre chose que l'instrument de la jouissance divine? Cela, c'est le Sade théoricien. Pourquoi est-il théoricien? Pourquoi ce souhait épuisant, car il est tout à fait hors de la portée de sa main, ce souhait écrit, désigné comme tel, que ces particules où s'en vont les fragments de vie déchirés, déchiquetés, démembrés, après les actes imaginés les plus extraordinaires, il faudrait vraiment, pour en venir à bout, les frapper d'une seconde mort? Voici la définition du sadisme sur France Culture. Et d'après Lacan, avec vous, Éric Marty, le sadisme, alors bien sûr, il écrit ce texte sur Sade, donc il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Donc en apparence, il est sadique, c'est-à-dire qu'il refuse d'être ce qu'il énonce qu'il est. C'est-à-dire que le sadisme consisterait en un refus de coïncider avec soi et de dire ce que nous sommes. On peut le comprendre comme ça ? On peut le comprendre comme ça, et en tout cas, on peut voir dans la manière qu'a Lacan de nommer Sade comme le théoricien, un compliment qui ne fait à personne d'autre. Qu'à Sade, c'est vrai. C'est oui. Le privilège de Sade que de recevoir ce compliment. Et or, le mot théorie est un mot très important à ce moment-là. Et en faisant de Sade un théoricien, on pourrait dire que Lacan exalte en effet la puissance de Sade et au travers de ce concept de seconde mort. Qu'est-ce que ça veut dire cette seconde mort? La seconde mort, c'est l'idée qu'au fond, voilà, que la destruction est toujours création. Qu'au fond, on est dans un univers matérialiste, c'est-à-dire sans destruction, où toute destruction est une création, où il y a un cycle vital qui est un cycle aussi bien mortel que vital, qui se confond, et que tuer, ça n'est que produire une nouvelle vie qui va s'engendrer. Bon. Mais, il y a le fantasme sadien, il est au-delà, justement. Il consiste non pas seulement à tuer, mais à tuer par une seconde mort, par un second type de destruction qui anéantirait le principe même de régénération qui est à la base du cycle précisément vital. Or, cette seconde mort, elle est évidemment hors de portée du sujet sadien. Elle ne peut être que fantasmée, elle ne peut être qu'une sorte de désir absolument impossible. Et c'est là où, justement, à la fois Sade est celui qui pointe la seconde mort comme qui nomme la pulsion de mort dans son essence, puisque la pulsion de mort, ça n'est pas seulement tuer, c'est détruire au point que l'univers atteigne l'inertie absolue, le degré zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul germe de vie. Donc ça, par la seconde mort, parvient à nommer ce que peu d'écrivains, peu de penseurs ont pu saisir, à savoir la pulsion de mort dans son essence, mais réciproquement, en arrivant à pointer ce qu'est la pulsion de mort, eh bien, Sade, les personnages sadiens en tout cas, indiquent qu'ils sont dans l'impuissance à y accéder et qu'ils sont toujours en échec, justement, d'où leur désir sans cesse permanent, sans cesse renouvelé. Ils sont constamment en échec, justement, d'accéder à ce qui est leur fantasme absolu, qui serait d'arriver, justement, à ce degré zéro, à cette inertie que seule la seconde mort peut produire, que la mort ordinaire ne produit pas, puisque la mort ordinaire ne fait que reproduire le cycle interminable de la vie. Donc voilà, c'est ça la seconde mort. C'est le fantasme d'une mort définitive en réalité, et dont l'être humain serait l'artisan. Et oui, et dont l'univers serait en quelque sorte l'objet et le théâtre. Donc c'est une mention évidemment cosmique aussi dans cette hypothèse, où l'univers dans sa totalité serait aboli. Mais c'est aussi un fantasme lacanien, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que Lacan, à ce moment-là, de l'envers de la psychanalyse, dans l'éthique, est obsédé également par une vision apocalyptique de la période. C'est une époque où la bombe atomique est là, où il y a toutes sortes de fantasmes, comme aujourd'hui c'est l'écologie, où on est obsédé par la fin du monde à ce niveau-là. Bien, les années 60 sont une époque où il y a un fantasme de seconde mort, précisément, d'apocalypse qu'on trouve aussi bien chez Heidegger au même moment que chez Lacan ou que chez d'autres, hein, où il y a cette appréhension d'une possibilité que l'humanité soit détruite dans son entier, dans sa totalité. Et ce qui est fascinant à ce moment-là à Lacan, chez Sade, c'est que Sade, lui, a précisément nommé, a trouvé le concept, la notion, et a donné le discours même de la seconde mort qui éclaire de manière historique, en quelque sorte, l'histoire humaine et le destin humain qui est cette pulsion de mort que Freud avait perçue pendant la Première Guerre mondiale dans les massacres, les génocides collectifs qui avaient lieu. Donc, il y a aussi ce que ça, pour ça, la littérature est passionnante chez Lacan parce que elle le fascine et donc elle produit chez lui des processus, je dirais, d'exaltation de discours où son imaginaire qui est pas seulement un imaginaire quelconque, qui est vraiment un imaginaire qui rentre dans la théorie, en quelque sorte, eh bien, peut nommer, peut produire des dispositifs de pensée qui sont ainsi plus puissants, plus intenses que s'il n'y avait pas eu justement la littérature. Et où la jouissance est toujours présente, parce que vous parlez de, enfin, Lacan parle de seconde mort, comme cette mort qui peut enfin tout détruire, de laquelle ne renaît rien. Lorsqu'on parle de l'orgasme, on le qualifie souvent de petite mort aussi. Il y a ce rapport à une autre mort dans laquelle la jouissance peut-être n'est plus la petite mort. C'est une fois qu'on a joui, c'est quand la jouissance n'est plus. La seconde mort, c'est aussi éteindre toute forme de jouissance. Exactement. Mais aussi, c'est une jouissance. C'est-à-dire que la destruction elle-même, la destruction est, enfin, devient à ce moment-là la définition même de la jouissance. Ça n'est plus justement l'après-jouissance ou l'état, disons, d'absence, de silence d'après la jouissance. C'est donc, non, au contraire, la jouissance comme destructrice, la jouissance comme qui a une visée toujours de destruction de l'autre. Et Lacan, là aussi, on disait combien le désir pouvait avoir une dimension perverse. En tout cas, la jouissance, elle, est quelque chose qui renvoie toujours au cauchemar d'une destruction, d'une destruction de l'autre, où l'autre est remis en cause dans son intégrité physique et y compris dans sa vie. Donc il y a quelque chose de très profond là-dedans où Sade, plus qu'un autre écrivain, arrive à mobiliser en quelque sorte beaucoup de choses en même temps et à synthétiser ce dispositif qui est la pulsion de mort que Lacan, plus encore que Freud, va développer et va représenter au travers justement précisément de la jouissance mais aussi d'une lecture philosophique, une lecture aussi anthropologique de l'époque et de questionnements aussi politiques éventuellement ou philosophiques du temps. Puisque vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» dans lequel il est évidemment question de Lacan, bien on se quitte avec une sad song. C'est ma sad song, berceuse à l'envers. Une mad song, l'été en hiver. Ma bad song, un songe, les yeux grands ouverts. Voir quand elle se tourne pendant son sommeil, en offrant aux cieux ses merveilles. Un genou qui nage en mer inconnue, orage et naufrage, nu dessus les nues. C'est ma sad song, berceuse à l'envers. L'été en hiver, ma bad song, un songe, les yeux grands ouverts. Quand elle se repose, en soussant son pouce, serrant sur son sein, son gentil nounours. Imagine-t-elle ses douces morsures, venir caresser ses blessures. L'amour trash, l'amour cash. Tu n'as pas été si sage. Un voyage, un mirage, un jeu de cache-cache. Juste une sad song, berceuse à l'envers. L'été en hiver, ma bad song, un songe, les yeux grands ouverts. Dans de tes poignets, tes petites menottes, offre à mes baisers, tes petites quenottes. Appelle de tes cris, le marchand de sable, le vilain marquis, passe à table. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous évoquez la foule. C'est Denis Salas, magistrat et essayiste, qui m'en donne l'occasion, puisque son livre, La foule innocente, est sorti tout récemment aux éditions Des Clés des Brouwers. Alors dit comme ça, le titre ne vous frappe peut-être pas, pourtant tout y est. La foule innocente n'est pas une formule évidente et même plutôt contre-intuitive au vu de l'histoire de cette notion. La foule, c'est plutôt la force, la violence, la fièvre, la passion, le crime. La foule, loin de l'innocence, est donc plutôt le contraire, c'est le mal, sauf, nous dit Denis Salas, sauf quand elle est attaquée. Le plan sec et le plan blanc déclenché à Nice cette nuit pour prendre en charge les nombreuses victimes de cette attaque sur la promenade des Anglais. Au moment du feu d'artifice, un semi-remorque a foncé dans la foule très nombreuse pour ce 14 juillet. Il y aurait 73 morts selon un bilan provisoire et plus d'une centaine de blessés. Le conducteur du camion qui était seul à bord a été abattu par les forces de l'ordre et des scènes de panique cette nuit à Nice où des dizaines de personnes se sont mises à courir pour fuir les lieux de l'attaque. Une cellule de crise a été mise en place au palais de la Méditerranée. Pour Denis Salas, tout commence le 14 juillet 2016. Il était à Nice, il a entendu, il a vu, mais il n'a pas tout saisi sur le moment. Dans un prologue, il raconte les bruits et les cris, les interrogations et les images qui restent. Parmi celles-ci, la foule. La foule crie, apeurée, foudroyée, agglutinée dans les bars et les résidences. C'est quand il remonte à la surface du monde que Denis Salas prend la mesure de ce qui est arrivé et qui donnera donc ce livre avec cette idée. Et si la foule n'était pas la criminelle anonyme que les penseurs en ont fait, mais une individualité paisible, inoffensive, solidaire. Et si la foule permettait alors de penser autrement les victimes et même la figure de la victime qu'on a tendance à banaliser et à affaiblir dans sa définition même. Voilà, c'est le double enjeu de ce livre, repenser la foule et la figure de la victime avec cette question, mais pourquoi d'abord la foule a-t-elle toujours été suspecte? Pourquoi a-t-elle toujours été accusée coupable? À mesure que la nuit devenait plus profonde, l'intérêt de la scène s'approfondissait aussi pour moi. Le caractère général de la foule était altéré. Ses traits les plus nobles s'effaçant avec la retraite graduelle de la partie la plus sage de la population, et les plus grossiers venant plus vigoureusement en relief à mesure que l'heure plus avancée tirait chaque espèce d'infamie de sa tanière. Les rayons des becs de gaz, faibles d'abord quand ils luttaient avec le jour mourant, avaient maintenant pris le dessus et jetaient sur toute chose une lumière étincelante et agitée. La foule, c'est communément ce qu'on définit comme une multitude de personnes rassemblées en un lieu et en un moment, dont la force ne dure qu'un instant et dont le trait saillant est de ne pas en avoir, d'être anonyme, sans visage, sans personnalité. La foule admet ainsi un sens péjoratif, c'est le commun, le vulgaire des hommes. On peut ainsi penser au célèbre texte de Tocqueville sur le despotisme démocratique. Je cite « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. La foule ou le terreau du nouveau despotisme, Tocqueville l'écrit en 1840. Et c'est aussi en 1840 qu'est publiée la nouvelle d'Edgar Allan Poe, L'homme des foules, dont on vient d'entendre un extrait. Et dans cet extrait, le narrateur y suit la foule et ses hommes, un homme en particulier qui n'a d'autre particularité que d'être l'homme de la foule. Et c'est tout le problème de la foule, ne pas avoir d'identité. Mais comment en est-on venu alors à la trouver suspecte, victime d'elle-même, incapable d'être quelqu'un, comment est-elle devenue coupable? Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Mais je ne suis pas si grand, je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Ah, il faut que je le tue! Et j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine. Plus loin? Il n'y a rien. Il y a l'amour. L'amour, non, ce n'est pas ce qu'il faut. Ah, de raccommander du cela, toi dont je connais le cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Entre Tocqueville et Les Justes de Camus, plus de 100 ans se sont écoulés. Entre temps, Gustave Le Bon a écrit La psychologie des foules, Gabriel Tarde, L'opinion et la foule, et Freud, Une psychologie des foules et analyse du moi. Entre temps, la foule a donc acquis une identité. Elle est devenue plus qu'un agrégat, mais toujours moins qu'un public. Elle ne fait pas rien, mais elle ne pense pas pour autant. Et c'est de cela qu'elle est coupable, d'avoir une identité, mais pas du tout remarquable. Paradoxalement, c'est l'absence de tressaillant qui est alors remarquée, pointée, accusée, peut-être parce que tout est possible, elle peut être capable du pire ou cible du pire. L'uniformité inquiète, mais c'est quand l'inquiétude s'étend, s'uniformise, que l'on en vient enfin à écouter la foule. Et là, on aura envie d'écouter la foule de Piaf qui la chante. Oui, c'est vrai, ou foule sentimentale. Et voilà, donc la foule est entrée en chanson. Pour la meilleure. Et on peut lire La foule innocente de Denis Salas, qui est paru aux éditions Des Clés de Brouwer. Qui est beaucoup plus sérieux qu'une chanson, qui est absolument passionnant. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à Maud Markiewicz qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, David Pargamin, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger et Milena Hellig qui étaient à la réalisation de cette émission, Jean-Guilain Meige à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur Lacan. Demain, ce sera Elisabeth Roudinesco qui viendra parler de son dictionnaire amoureux de la psychanalyse et de sa lecture de Lacan et des Lacaniens. Ça, ce sera demain à 10h donc. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission et cette série sur Lacan, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster si vous voulez l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à l'heure de votre choix. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.